Rome, chapitre 15. Pierre ne s'était assoupi qu'au petit jour, brisé d'émotion, brûlant de fièvre. Dès son retour au palais Boccanera, dans la nuit noire, il avait retrouvé l'affreux deuil de la mort de Dario et de Benedetta. Et vers 9 heures, lorsqu'il se fut réveillé et qu'il eut déjeuné, il voulut descendre tout de suite à l'appartement du cardinal, où l'on avait exposé les corps des deux amants, pour que la famille, les amis, les clients, pussent leur apporter leurs larmes et leurs prières. Pendant qu'il déjeunait, Victorine, qui ne s'était pas couchée, d'une bravoure active dans son désespoir, venait de lui raconter les événements de la nuit et de la matinée. Donna Serafina, par un respect de prude pour les convenances, avait risqué une nouvelle tentative, voulant qu'on séparât les deux corps. Cette femme nue qui, dans la mort, étreignait si étroitement cet homme dévêtu lui-même, blessait toutes ses pudeurs. Mais il n'était plus temps. La rigidité s'était produite. Ce qu'on n'avait pas fait au premier moment ne pouvait plus l'être sans une horrible profanation. Leur étreinte d'amour était si puissante qu'il aurait fallu, pour les dénouer l'un de l'autre, arracher leur chair, casser leurs membres. Et le cardinal, qui déjà n'avait pas permis qu'on troublât leur sommeil, leur union d'éternité, s'était presque querellé avec sa sœur. Sous sa robe de prêtre, il se retrouvait de sa race, fier des passions d'autrefois, des belles amours violentes, des beaux coups de dague, disant que, si la famille comptait deux papes, de grands capitaines, de grands amoureux l'avaient aussi illustré. Jamais il ne laisserait toucher à ces deux enfants si purs en leur douloureuse existence, et que la tombe seule avait unie. Il était le maître en son palais. On les coudrait dans le même suaire, on les clouerait dans le même cercueil. Ensuite, le service religieux serait fait à San Carlo, l'église voisine, dont il avait le titre cardinalis, où il était le maître encore. Et s'il le fallait, il irait jusqu'au pape. Et telle était sa volonté souveraine, exprimée si hautement, que tout le monde dans la maison avait dû s'incliner, sans se permettre un geste ni un souffle. Alors, Donna Serafina s'était occupée de la toilette dernière. Selon l'usage, les domestiques se trouvaient là. Victorine avait aidé la famille, comme la servante la plus ancienne, la plus aimée. Il avait fallu se contenter d'envelopper d'abord les deux amants dans les cheveux dénoués de Benedetta, la chevelure odorante, épaisse et large, ainsi qu'un royal manteau. Puis, on les avait vêtus d'un même linceul de soie blanche, serré à leur cou, qui faisait d'eux un seul être dans la mort. Et de nouveau, le cardinal avait exigé qu'ils fussent descendus chez lui, qu'on les coucha sur un lit de parade au milieu de la salle du trône pour leur rendre un suprême hommage comme au dernier du nom, aux deux fiancés tragiques, avec qui la gloire jadis retentissante des Boccanera retournait à la terre. D'ailleurs, Donna Serafina s'était rangée tout de suite à ce projet, car elle jugeait peu décent que sa nièce, même morte, fut aperçue dans cette chambre sur ce lit d'un jeune homme. L'histoire arrangée circulait déjà. Le brusque décès de Dario, emporté en quelques heures par une fièvre infectieuse. La douleur folle de Benedetta, qui avait expiré sur son corps en le serrant une dernière fois entre ses bras. Et les honneurs royaux qu'on leur rendait, et les belles noces funèbres qu'on leur faisait, allongés tous les deux sur le même lit, d'éternel repos. Rome entière, bouleversée par cette histoire d'amour et de mort, n'allait plus pendant 2 semaines causer d'autre chose. Pierre serait parti le soir même pour la France, dans sa hâte de quitter cette ville de désastre où il devait laisser le dernier lambeau de sa foi. Mais il voulait attendre les obsèques. Il avait remis son départ au lendemain soir. Et toute cette journée encore, il la passerait là, dans ce palais qui croulait, près de cette morte qu'il avait aimée, tâchant de retrouver pour elle des prières au fond de son cœur vide et meurtri. Quand il fut descendu sur le vaste palier, devant l'appartement de réception du cardinal, le souvenir lui revint du premier jour où il s'était présenté là. C'était la même sensation d'ancienne pompe princière, dans l'usure et dans la poussière du passé. Les portes des 3 immenses antichambres se trouvaient grandes ouvertes, et les salles étaient vides encore, sous les hauts plafonds obscurs, à cause de l'heure matinale. Dans la première, celle des domestiques, il n'y avait que Giacomo en livrée noire, immobile et debout, en face de l'antique chapeau rouge, accroché sous le baldaquin, avec ses glands mangés à demi, parmi lesquels les araignées filaient leur toile. Dans la seconde, celle où le secrétaire se tenait autrefois, l'abbé Paparelli, le caudataire qui remplissait aussi la fonction de maître de chambre, attendait les visiteurs en marchant à petits pas silencieux. Et jamais il n'avait plus ressemblé à une très vieille fille en jupe noire, blêmie, ridée par des pratiques trop sévères, avec son humilité conquérante, son air louche, de toute puissance obséquieuse. Enfin, dans la 3e antichambre, l'antichambre noble, où la barrette, posée sur une crédence, faisait face au grand portrait impérieux du cardinal en costume de cérémonie, le secrétaire, Don Vigilio, avait quitté sa petite table de travail pour se tenir à la porte de la salle du trône, saluant d'une révérence les personnes qui en passaient le seuil. Et, par cette sombre matinée d'hiver, ces salles apparaissaient plus mornes, plus délabrées, les tentures en lambeaux, les rares meubles ternis de poussière, les vieilles boiseries s'émiettant sous le continu travail des verres, les plafonds seuls gardant leur fastueuse envolée de dorures et de peintures triomphales. Mais Pierre, que l'abbé Paparelli venait de saluer profondément, d'une manière exagérée, où se sentait l'ironie d'une sorte de congé donné à un vaincu, était surtout saisi par la grandeur triste de ces 3 vastes salles en ruine, qui conduisaient, ce jour-là, à cette salle du trône transformée en salle de mort, dans laquelle dormaient les 2 derniers enfants de la maison. Quel gala superbe et désolé de la mort! Toutes les larges portes ouvertes, tout le vide de ces pièces trop grandes, dépeuplées de leurs anciennes foules, aboutissant au deuil suprême de la fin d'une race. Le cardinal s'était enfermé dans son petit cabinet de travail où il recevait les membres de la famille, les intimes qui tenaient à lui présenter leurs condoléances, tandis que Donna Serafina, de son côté, avait choisi une chambre voisine pour y attendre les dames amies dont le défilé allait durer jusqu'au soir. Et Pierre, que Victorine avait renseigné sur ce cérémonial, dut se décider à entrer directement dans la salle du trône, de nouveau salué par une grande révérence de Don Vigilio, pâle et muet, qui sembla même ne pas le reconnaître. Une surprise attendait le prêtre. Il s'était imaginé une chapelle ardente, la nuit complètement faite, des centaines de cierges brûlant autour d'un catafalque, au milieu de la salle tendue de draperies noires. On lui avait dit que l'exposition se faisait là, parce que l'antique chapelle du palais, située au rez-de-chaussée, était fermée depuis 50 ans, hors d'usage, et que la petite chapelle privée du cardinal se trouvait trop étroite pour une pareille cérémonie. Aussi avait-il fallu improviser un autel dans la salle du trône où les messes se succédaient depuis le matin. D'ailleurs, des messes devaient également être dites toute la journée dans la chapelle privée, de même qu'on avait installé deux autres autels, un dans une petite pièce voisine de l'antichambre noble, l'autre dans une sorte d'alcôve qui s'ouvrait dans la seconde antichambre. Et c'était ainsi que des prêtres, surtout des franciscains, des religieux appartenant aux ordres pauvres, allaient sans interruption et concurremment célébrer le divin sacrifice sur ces quatre autels. Le cardinal avait voulu que pas un instant le sang divin ne cessât de couler chez lui, pour la rédemption des deux âmes chères, envolées ensemble. Dans le palais en deuil, au travers des salles funèbres, les tintements des sonnettes de l'élévation ne s'arrêtaient pas, les murmures frissonnants des paroles latines ne se taisaient pas, les hosties se brisaient, les calices se vidaient continuellement, sans que Dieu pût, une seule minute, s'absenter de cet air lourd qui sentait la mort. Et Pierre, étonné, trouva la salle du trône telle qu'il l'avait vue le jour de sa première visite. Les rideaux des quatre grandes fenêtres n'avaient pas même été tirés. La sombre matinée d'hiver entrait en une clarté faible, grise et froide. C'était encore sous le plafond de bois sculpté et doré, les tentures rouges des murs, une brocatelle à grandes palmes, mangée par l'usure. Et l'ancien trône se trouvait là, le fauteuil retourné contre la muraille, dans l'attente inutile du pape qui ne venait jamais plus. Seul, l'autel improvisé, dressé à côté de ce trône, changeait un peu l'aspect de la pièce, débarrassé de ses quelques meubles, sièges, tables, consoles. Puis, au milieu, on avait posé sur une marche basse le lit d'apparat, où Benedetta et Dario étaient couchés, dans une jonchée de fleurs. Au chevet du lit, deux cierges simplement, un de chaque côté, brûlaient. Et rien d'autre, et seulement des fleurs encore. Une telle moisson de fleurs qu'on ne savait dans quel jardin chimérique on avait bien pu la couper. Des roses blanches surtout, des gerbes de roses sur le lit, des gerbes de roses s'écroulant du lit, des gerbes de roses couvrant la marche, débordant de la marche, jusque sur le dallage magnifique de la salle. Pierre s'était approché du lit, le cœur bouleversé d'une émotion profonde. Ces deux cierges, dont le jour pâle éteignait à demi les petites flammes jaunes, cette continuelle plainte basse de la messe voisine, ce parfum pénétrant des roses qui alourdissait l'air, mettaient une infinie détresse, une lamentation de deuil sans bornes dans la grande salle surannée et poudreuse. Et pas un geste, pas un souffle, rien autre, par instant, qu'un petit bruit de sanglots étouffés parmi les quelques personnes qui se trouvaient là. Des domestiques de la maison se relayaient sans cesse. Quatre, toujours, étaient au chevet du lit, debout, immobiles, ainsi que des gardes familiers et fidèles. De temps à autre, l'avocat consistorial Morano, qui s'occupait de tout depuis le matin, traversait la pièce, l'air pressé, d'un pas silencieux. Et sur la marche, tous ceux qui entraient venaient s'agenouiller, priaient, pleuraient. Pierre y aperçut trois dames, la face dans leur mouchoir. Un vieux prêtre y était aussi, tremblant de douleur, la tête basse, et dont on ne pouvait distinguer le visage. Mais il fut surtout attendri par la vue d'une jeune fille, vêtue pauvrement, qu'il prit pour une servante, si écrasée par le chagrin sur les dalles, qu'elle n'était plus là qu'une loque de misère et de souffrance. Alors, à son tour, il s'agenouilla, et, du balbutiement professionnel des lèvres, il tâcha de retrouver le latin des prières consacrées, qu'il avait dites si souvent comme prêtre au chevet des morts. Son émotion grandissante brouillait sa mémoire. Il s'anéantit dans le spectacle adorable et terrible des deux amants, que ses regards ne pouvaient quitter. Sous la jonchée des roses, les corps se distinguaient à peine dans leur étreinte, mais les deux têtes émergeaient, serrées au cou par le suaire de soie. Et qu'elles étaient belles encore, d'une beauté de passion enfin satisfaite, posées toutes deux sur le même coussin, mêlant leurs chevelures. Benedetta avait gardé sa face divinement rieuse, aimante et fidèle pour l'éternité, exaltée d'avoir rendu son dernier souffle en un baiser d'amour. Dario, en son allégresse dernière, était resté plus douloureux, tel que les marbres des pierres funéraires que les amoureuses s'épuisent à étreindre vainement. Et ils avaient encore les yeux grands ouverts, plongeant les uns au fond des autres, et ils continuaient à se regarder sans fin, avec une douceur de caresse que jamais rien ne devait plus troubler. Mon Dieu, était-ce donc vrai qu'il l'avait aimée, cette Benedetta, d'un amour si pur, si dégagé de toute idée d'impossible possession? Et Pierre était remué jusqu'au fond de l'âme par les heures délicieuses qu'il avait passées près d'elle, dans un lien d'une exquise amitié, aussi douce que l'amour. Elle était si belle, si sage, si brûlante de passion. Lui-même avait fait un si beau rêve, animé de sa fraternité libératrice, cette admirable créature, à l'âme de feu, aux airs indolents, en laquelle il revoyait toute l'ancienne Rome qu'il aurait voulu réveiller et conquérir à l'Italie de demain. Il rêvait de la catéchiser, de lui élargir le cœur et le cerveau, en lui donnant l'amour des petits et des pauvres, le flot de pitié d'aujourd'hui pour les choses et pour les êtres. Maintenant, cela l'aurait fait un peu sourire s'il n'avait pas débordé de larmes. Et comme elle s'était montrée charmante, en s'efforçant de le contenter, malgré les obstacles invincibles, la race, l'éducation, le milieu, qui l'empêchaient de le suivre. Elle était une écolière docile, mais incapable de progrès véritable. Un jour, pourtant, elle avait semblé se rapprocher de lui, comme si la souffrance lui ouvrait l'âme à toutes les charités. Puis, l'illusion du bonheur était venue, et elle n'avait plus rien compris à la misère des autres. Elle s'en était allée dans l'égoïsme de son espoir et de sa joie, à elle. Était-ce donc, grand Dieu, que cette race, condamnée à disparaître, devait finir ainsi, si belle encore parfois, si adorée, mais si fermée à l'amour des humbles, à la loi de charité et de justice, qui, en réglementant le travail, pouvait seule désormais sauver le monde? Puis ce fut chez Pierre une autre désolation encore, qui le laissa balbutiant, sans prière précise. Il venait de songer au coup de violence qui avait emporté les deux enfants, dans une revanche foudroyante de la nature. Quelle dérision d'avoir promis à la Vierge de ne faire le cadeau de sa virginité qu'au mari élu, de s'être fait saigner sous ce serment, comme sous un cilice, pendant son existence entière, pour en venir à se jeter dans la mort au cou de l'amant, éperdue de regret, brûlante de se donner toute. Et elle s'était donnée avec l'emportement d'une protestation dernière, et il avait suffi du fait brutal de la séparation menaçante, l'avertissement de la duperie, la ramenant à l'instinct de l'universel amour. C'était encore une fois l'Église vaincue, le grand pan semeur des germes, rassemblant les couples de son geste continu de fécondité. Si, lors de la Renaissance, l'Église n'avait pas croulé sous l'assaut des Vénus et des Hercules exhumés du vieux sol romain, la lutte continuait aussi âpre, et à chaque heure, les peuples nouveaux, débordant de sève, affamés de vie, en guerre contre une religion qui n'était qu'un appétit de la mort, menaçaient d'emporter l'ancien édifice catholique dont les murs déjà croulaient de vieillesse inféconde. Et à ce moment, Pierre eut la sensation que la mort de cette Benedetta adorable était pour lui le suprême désastre. Il la regardait toujours, et des larmes brûlèrent ses yeux. Elle achevait d'emporter sa chimère. Comme la veille, au Vatican, devant le pape, il sentait s'effondrer sa dernière espérance, la résurrection tant souhaitée de la vieille Rome en une Rome de jeunesse et de salut. Cette fois, c'était bien la fin. Rome, la catholique, la princière, était morte, couchée là, telle qu'un marbre sur ce lit funèbre. Elle n'avait pu aller aux humbles, aux souffrants de ce monde. Elle venait d'expirer, dans le cri impuissant de sa passion égoïste, quand il était trop tard pour aimer et enfanter. Jamais plus elle ne ferait d'enfant. La vieille maison romaine était vide désormais, stérile, sans réveil possible. Pierre, dont la chair morte laissait l'âme veuve, en deuil d'un si grand rêve, éprouvait une telle douleur à la voir ainsi immobile et glacée qu'il se sentit défaillir. Était-ce le jour livide, étoilé par les taches jaunes des deux cierges qui lui troublaient la vue, le parfum des roses, alourdi dans l'air de mort, qui le grisait comme d'une ivresse, le sourd murmure continu de l'officiant en train d'achever sa messe derrière lui, qui bourdonnait dans son crâne en l'empêchant de retrouver ses prières? Il craignit de tomber en travers de la marche. Il se releva péniblement et s'écarta. Puis, comme il se réfugiait au fond de l'embrasure d'une fenêtre pour se remettre, il eut l'étonnement de rencontrer là Victorine, assise sur une banquette qu'on y avait à demi dissimulée. Elle avait des ordres de Donna Serafina. Elle veillait de ce coin sur ses deux chers enfants, ainsi qu'elle les nommait, en ne quittant pas des yeux les personnes qui entraient et qui sortaient. Tout de suite, elle fit asseoir le jeune prêtre lorsqu'elle le vit si pâle, près de s'évanouir. « Ah ! » dit-il très bas, lorsqu'il eut longuement respiré. « Qu'ils aient au moins la joie d'être ensemble ailleurs, de revivre une autre vie dans un autre monde !» Elle haussa doucement les épaules. Elle répondit à voix très basse, elle aussi. « Oh ! Revivre, monsieur l'abbé, pourquoi faire, quand on est mort, allez ? Le mieux est encore d'être mort et de dormir. Les pauvres enfants ont eu assez de peine sur la terre. Il ne faut pas leur souhaiter de recommencer ailleurs. » Ce mot, si naïf et si profond, d'illettrée incroyante, fit passer un frisson dans les os de Pierre. Et lui, dont les dents avaient parfois claqué de terreur, la nuit, à la brusque évocation du néant, il la trouvait héroïque, de n'être pas troublé par les idées d'éternité et d'infini. Ah ! Si tout le monde avait eu cette tranquille irreligion, cette insouciance si sage, si gaie, du petit peuple incrédule de France, quel calme soudain parmi les hommes, quelle vie heureuse ! Et, comme elle le sentait qui frémissait ainsi, elle ajouta, « Que voulez-vous donc qu'il y ait après la mort ? On a bien mérité de dormir. C'est encore ce qu'il y a de plus désirable et de plus consolant. Si Dieu avait à récompenser les bons et à punir les méchants, il aurait vraiment trop à faire. Est-ce que c'est possible un pareil jugement? Est-ce que le bien et le mal ne sont pas dans chacun à ce point mêlés que le mieux serait encore d'acquitter tout le monde? Mais, murmura-t-il, ces deux-là, si aimables, si aimés, n'ont pas vécu. Et pourquoi ne pas se donner la joie de croire qu'ils revivent, récompensés ailleurs, aux bras l'un de l'autre, éternellement? De nouveau, elle secoua la tête. Non, non, je le disais bien que ma pauvre Benedetta avait tort de se martyriser avec des idées de l'autre monde en se refusant à son amoureux qu'elle désirait tant. Moi, si elle avait voulu, je le lui aurais amené dans sa chambre, son amoureux, et sans mère, et sans curé encore. C'est si rare le bonheur. On a tant de regrets plus tard, quand il n'est plus temps. Et voilà toute l'histoire de ces deux pauvres mignons. Il n'est plus temps pour eux, ils sont morts. Et on a beau mettre les amoureux dans les étoiles, voyez-vous, quand ils sont morts, ils le sont bien. Ça ne leur fait plus ni chaud ni froid de s'embrasser. » À son tour, elle était reprise par les larmes. Elle sanglotait. « Les pauvres petits! Les pauvres petits! Dire qu'ils n'ont pas eu seulement une nuit gentille et que c'est maintenant la grande nuit qui ne finira plus. Regardez-les donc comme ils sont blancs. Et pensez-vous à cela ? Quand il ne restera que les os de leurs deux têtes sur le coussin, et que les os seuls de leurs bras se serreront encore. Ah, qu'ils dorment, au moins ils ne savent plus, ils ne sentent plus. » Un long silence retomba. Pierre, dans le frisson de son doute, dans son désir anxieux de survie, la regardait, cette femme dont les cures ne faisaient pas l'affaire, qui avait gardé son franc-parler de Beauceronne, l'air si paisible et si content du devoir accompli, en son humble situation de servante, perdue depuis 25 ans, au milieu d'un pays de loups, où elle n'avait pas même pu apprendre la langue. Oh oui, être comme elle, avoir son bel équilibre de créature saine et bornée, qui se contentait de la terre, qui se couchait pleinement satisfaite le soir lorsqu'elle avait rempli son labeur du jour, quitte à ne se réveiller jamais. Mais Pierre, en reportant les yeux vers le lit funèbre, venait de reconnaître le vieux prêtre agenouillé. Sur la marche, et dont la tête basse, accablée de douleur, ne lui avait point permis de distinguer les traits. « N'est-ce pas l'abbé Pisoni, le curé de Sainte-Brigitte, où j'ai dit quelques messes ? Ah, le pauvre homme, comme il pleure !» Victorine répondit de sa voix tranquille et navrée. « Il y a de quoi ? Le jour où il s'est avisé de marier ma pauvre Benedetta au comte Prada, il a fait vraiment un beau coup. Tant d'abominations ne seraient pas arrivées si on avait donné tout de suite son Dario à la chère enfant. Mais ils sont tous fous dans cette bête de ville avec leur politique. Et celui-ci, qui est pourtant un si brave homme, croyait avoir fait un vrai miracle et sauvé le monde en mariant le pape et le roi, comme il disait, avec un rire doux de vieux savant qui n'a jamais aimé que les vieilles pierres. Vous savez bien, leurs anticailles, leurs idées patriotiques d'il y a 100 000 ans. Et vous voyez, aujourd'hui, il pleure toutes les larmes de son corps. L'autre aussi est venu, il n'y a pas 20 minutes. Le père Lorenza, le jésuite, celui qui a été le confesseur de la Contessina, après l'abbé Pisoni, et qui a défait ce que ce dernier avait fait. Oui, un bel homme. Un beau gâcheur de besogne encore, un empêcheur d'être heureux, avec toutes les complications sournoises qu'il a mises dans l'histoire du divorce. J'aurais voulu que vous fussiez là, pour voir la façon dont il a fait un grand signe de croix après s'être mis à genoux. Il n'a pas pleuré, lui. Ah non. Et il semblait dire que, puisque les choses finissaient si mal. C'était que Dieu s'était finalement retiré de toute cette affaire. Tant pis pour les morts. » Elle parlait doucement, sans arrêt, comme soulagée de pouvoir se vider le cœur après les terribles heures de bousculade et d'étouffement qu'elle vivait depuis la veille. « Et celle-ci, » reprit-elle plus bas, « vous ne la reconnaissez donc point ?» Elle désignait du regard la jeune fille pauvrement vêtue, qu'il avait prise pour une servante, et que le chagrin, une détresse affreuse, écrasait sur les dalles devant le lit. Dans un mouvement d'éperdue souffrance, elle venait de relever, de renverser la tête. Une tête d'une beauté extraordinaire, noyée dans la plus admirable des chevelures noires. « La Pierina !» dit-il. « La pauvre fille !» Victorine eut un geste de pitié et de tolérance. « Que voulez-vous ? Je lui ai permis de monter jusqu'ici. Je ne sais comment elle a pu apprendre le malheur. Il est vrai qu'elle rôde toujours autour du palais. Alors, elle m'a fait appeler en bas, et si vous l'aviez entendue me supplier, me demander avec de gros sanglots la grâce de voir son prince une fois encore. Mon Dieu, elle ne fait de mal à personne, là, par terre, à les regarder tous les deux, de ses beaux yeux d'amoureuse pleins de larmes. Elle y est depuis une demi-heure. Je m'étais promis de la faire sortir si elle ne se conduisait pas bien. Mais puisqu'elle est sage, qu'elle ne bouge seulement pas. Ah, qu'elle reste donc, et qu'elle s'emplisse le cœur pour la vie entière. » Et c'était, en vérité, un spectacle sublime que cette Pierina, cette fille d'ignorance, de passion et de beauté, foudroyée de la sorte, anéantie au bas de la couche nuptiale, où les deux amants enlacés dormaient, dans la mort, leur première et éternelle nuit. Elle s'était affaissée sur les talons, elle avait laissé tomber ses bras trop lourds, les mains ouvertes. Et, la face levée, immobile, comme figée en une extase d'agonie, elle ne quittait plus du regard le couple adorable et tragique. Jamais visage humain n'avait paru si beau, d'une splendeur de souffrance et d'amour si éclatante. La douleur antique, mais toute frémissante de vie, avec son front royal, ses joues de grâce fière, sa bouche de perfection divine. À quoi pensait-elle? De quoi souffrait-elle en regardant fixement son prince à jamais dans les bras de sa rivale? Était-ce donc une jalousie sans fin possible qui glaçait le sang de ses veines? Était-ce plutôt la seule souffrance de l'avoir perdu, de se dire qu'elle le voyait pour la dernière fois, sans haine contre cette autre femme qui tâchait vainement de le réchauffer contre sa chair aussi froide que la sienne? Ses yeux noyés restaient doux pourtant. Ses lèvres amères gardaient leur tendresse. Elle les trouvait si purs, si beaux, couchés parmi cette jonchée de fleurs. Et dans sa beauté à elle, sa beauté de reine qui s'ignore, elle était là sans souffle, en humble servante, en esclave amoureuse, dont ses maîtres, en mourant, ont arraché et emporté le cœur. Sans cesse maintenant, des personnes entraient d'un pas ralenti, avec des visages de deuil, s'agenouillaient, priaient pendant quelques minutes, puis sortaient de la même allure muette et désolée. Et Pierre eut un serrement de cœur quand il vit arriver, ainsi, la mère de Dario, la toujours belle Flavia, accompagnée correctement de son mari, le beau Jules Laporte, l'ancien sergent de la garde suisse dont elle avait fait un marquis Montefiori. Prévenue dès la mort, elle était venue la veille au soir, mais elle revenait d'un air de cérémonie, en grand deuil, superbe dans tout ce noir, qui allait très bien à sa majesté de Junon un peu forte. Lorsqu'elle se fut approchée royalement du lit, Elle resta un instant debout, avec deux larmes au bord des paupières, qui ne coulaient pas. Puis, au moment de se mettre à genoux, elle s'assura que Jules était bien à son côté. Elle lui commanda d'un coup d'œil de s'agenouiller aussi près d'elle. Tous deux s'inclinèrent au bord de la marche, restèrent là en prière le temps convenable. Elle, très digne et accablée, lui, beaucoup mieux qu'elle encore, d'une désolation parfaite d'homme qui n'était déplacé dans aucune des circonstances de la vie, même les plus graves. Ensuite, tous les deux se relevèrent, disparurent avec lenteur par la porte des appartements, où le cardinal et Donna Serafina recevaient la famille et les intimes. Cinq dames entrèrent à la file, tandis que deux capucins et l'ambassadeur d'Espagne, près le Saint-Siège, sortaient. Et Victorine, qui se taisait depuis quelques minutes, reprit soudain « Ah, voici la petite princesse, et bien affligée, elle qui aimait tant notre Benedetta !» Pierre, en effet, vit entrer Celia, qui avait pris le deuil, elle aussi, pour cette visite d'abominable adieu. Derrière elle, la femme de chambre, dont elle s'était fait accompagner, tenait dans chacun de ses bras une gerbe énorme de roses blanches. « La chère petite !» murmura encore Victorine. « Elle qui voulait que ses noces avec son Attilio se fissent en même temps que les noces des deux pauvres morts dont les amours maintenant reposent là. Et ce sont eux qui l'ont devancée. Elles sont faites, leurs noces. Ils la dorment déjà leur première nuit. » Tout de suite, Celia s'était agenouillée, avait fait le signe de la croix. Mais, visiblement, elle ne priait pas. Elle regardait les deux chers amants dans la stupeur désespérée de les retrouver si blancs, si froids, d'une beauté de marbre. Et quoi ? Quelques heures avaient suffi ? La vie s'en était allée ? Jamais plus les lèvres ne se baiseraient ? Elle les revoyait encore, au milieu de ce bal de l'autre nuit, si éclatant, si triomphant de vivant amour. Une protestation furieuse montait de son jeune cœur, ouvert à la vie, avide de joie et de soleil, en révolte contre l'imbécile mort. Et cette colère, cet effroi, cette douleur en face du néant où toute passion se glace, se lisait sur son visage ingénu de lys candide et fermé. Jamais sa bouche d'innocence aux lèvres closes sur les dents blanches, jamais ses yeux d'eau de source, clairs et sans fond, n'avaient exprimé plus d'insondable mystère, la vie de passion qu'elle ignorait où elle entrait, et qui se heurtait dès le seuil à ces deux morts tendrement aimés, dont la perte lui bouleversait l'âme. Doucement, elle ferma les yeux. Elle tâcha de prier, tandis que de grosses larmes, maintenant, coulaient de ses paupières abaissées. Un temps s'écoula, au milieu du silence frissonnant, que troublaient seuls les petits bruits de la messe voisine. Elle se leva enfin, se fit donner par la femme de chambre les deux gerbes de roses blanches qu'elle voulait déposer elle-même sur le lit. Debout, sur la marche, elle hésita, finit par les mettre à droite et à gauche du coussin où reposaient les deux têtes, comme si elle les eût couronnées de ses fleurs, les mêlant à leurs cheveux, embaumant leur jeune front de ce parfum si doux et si fort. Mais, les mains vides, elle ne s'en allait pas. Elle demeurait là, tout près, penchée sur eux, tremblante, cherchant ce qu'elle pourrait bien leur dire encore, leur laisser d'elle, à jamais. Et elle trouva. Elle se pencha davantage. Elle mit deux longs baisers, toute son âme profonde d'amoureuse, sur les fronts glacés de l'époux et de l'épouse. « Ah, la brave petite !» dit Victorine, dont les larmes coulèrent. « Vous avez vu, elle les a baisés, et personne n'a songé encore à cela, pas même la mère. Ah, le brave petit cœur, c'est pour sûr qu'elle a pensé à son Attilio. » En se retournant pour descendre de la marche, Celia venait d'apercevoir la Pirina, toujours à demi renversée, dans son adoration douloureuse et muette. Elle la reconnut, elle s'apitoya surtout, lorsqu'elle la vit reprise de si gros sanglots que tout son corps, ses hanches et sa gorge de déesse en étaient secoués affreusement. Cette peine d'amour la bouleversa, tel qu'un désastre où sombrait tout le reste. On l'entendit dire à demi-voix, d'un ton d'infinie pitié, « Ma chère, calmez-vous, calmez-vous, je vous en prie, soyez plus raisonnable, ma chère. » Puis, comme la Pirina, saisie d'être ainsi plainte et secourue, sanglotait plus fort au point de faire scandale, Celia la releva, la soutint entre ses deux bras de crainte qu'elle ne tombât par terre. Et elle l'emmena dans une fraternelle étreinte, ainsi qu'une sœur de tendresse et de désespoir. Elle la fit sortir de la salle en lui prodiguant les plus douces paroles. « Suivez-les donc, allez donc voir ce qu'elles deviennent, » dit Victorine à Pierre. « Moi, je ne veux pas bouger d'ici, ça me tranquillise de les veiller, ces chers enfants. » À l'hôtel improvisé, un autre prêtre, un capucin, commençait une autre messe. Et, de nouveau, la sourde psalmodie latine reprit, tandis que, de la salle prochaine, venaient les coups de sonnette de l'élévation, dans l'indistinct bourdonnement de la messe d'à côté. Le parfum de fleurs augmentait, se faisait plus lourd, d'une caresse de vertige au milieu de l'air immobile et morne de la vaste salle. Au fond, les domestiques, ainsi que pour une réception de gala, ne bougeaient pas. Et devant le lit de parade, que les deux cierges pâles étoilaient, le défilé de deuil continuait, sans bruit, des femmes, des hommes, qui étouffaient là un instant, puis qui s'en allaient, en emportant l'inoubliable vision des deux amants tragiques, dormant leur éternel sommeil. Pierre rejoignit Celia et la Pierina dans l'antichambre noble où se tenait Don Virgilio. On y avait apporté, en un coin, les quelques sièges de la salle du trône, et la petite princesse venait de forcer l'ouvrière à s'asseoir sur un fauteuil pour qu'elle se remît un peu. Elle était en extase devant elle, ravie de la trouver si belle, plus belle que toutes, comme elle disait. Puis, elle reparla des deux chers morts, qui lui avaient semblé bien beaux, eux aussi, d'une beauté superbe et douce, extraordinaire. Elle en restait transportée d'admiration au milieu de ses larmes. En faisant causer la Pierina, le prêtre sut que Tito, son frère, était à l'hôpital, en grand danger, le flanc troué d'un coup de couteau terrible. Et la misère avait grandi, affreuse, auprès du château, depuis le commencement de l'hiver. C'était pour tout le monde de grands chagrins. Ceux que la mort emportait devaient se réjouir. Mais Celia, d'un geste d'invincible espoir, écartait la souffrance, la mort elle-même. « Non, non, il faut vivre. Et, ma chère, ça suffit d'être belle pour vivre. Allons, ma chère, ne restez pas ici, ne pleurez plus, vivez pour la joie d'être belle. » Elle l'emmena, et Pierre demeura sur un des fauteuils, envahi d'une telle tristesse lasse qu'il aurait voulu ne plus bouger. Don Virgilio, debout, continuait à saluer chaque visiteur d'une révérence. Dans la nuit, il avait eu un accès de fièvre. Il en grelottait encore, très jaune, les yeux brûlants et inquiets. Et il jetait sur Pierre de continuels regards, comme dévoré du désir de lui parler. Mais la terreur d'être vu de l'abbé Paparelli par la porte grande ouverte de l'antichambre voisine, combattait sans doute ce désir, car il ne cessait aussi de guetter le caudataire. Enfin, celui-ci dut s'absenter un moment. Don Vigilio s'approcha du prêtre. « Vous avez vu sa sainteté hier soir ?» Stupéfait, Pierre le regarda. « Oh, tout se sait, je vous l'ai déjà dit. Et qu'avez-vous fait ? Vous avez purement et simplement retiré votre livre, n'est-ce pas ?» La stupeur grandissante du prêtre le renseigna, sans qu'il lui laissât même le temps de répondre. « Je m'en doutais, mais je tenais à en avoir la certitude. Ah, que tout cela est bien leur œuvre ! Me croyez-vous maintenant ? Êtes-vous convaincu que ce qu'ils n'empoisonnent pas, ils les étouffent ?» Il devait parler des jésuites. Prudemment, il allongea la tête, s'assura que l'abbé Paparelli n'était point de retour. « Et Monsignor Renani, que vient-il de vous dire ?»« Pardon ?» finit par répondre Pierre. « Je n'ai pas encore vu Monsignor Renani. »« Ah, je croyais. Il a passé par cette salle avant votre arrivée. Et si vous ne l'avez pas vu dans la salle du trône, c'est qu'il a dû se rendre près de Donna Serafina et de son éminence pour les saluer. » Il va sûrement repasser par ici, vous allez le voir. » Puis, avec son amertume de faible, toujours terrorisé et vaincu, « Je vous avais bien prédit que vous finiriez par faire ce qu'il voudrait. » Mais il crut entendre le léger piétinement de l'abbé Paparelli. Il rejoignit vivement sa place, salua de sa révérence deux vieilles dames qui se présentaient. Et Pierre, resté assis, accablé, les yeux à demi clos, vit se dresser enfin la figure de Nanni, dans sa réalité d'intelligence et de diplomatie souveraine. Il se rappelait ce que Don Vigilio, pendant la fameuse nuit des confidences, lui avait dit de cet homme bien trop adroit pour s'être marqué d'une robe impopulaire, prélat charmant d'ailleurs, connaissant à fond le monde par ses fonctions successives dans les nonciatures et au Saint-Office, mêlé à tout, documenté sur tout, une des têtes, un des cerveaux de la moderne armée noire, dont l'opportunisme entend ramener le siècle à l'Église. Et, brusquement, la lumière totale se faisait en lui. Il comprenait par quelle souple et admirable tactique cet homme l'avait amené à l'acte qu'il voulait obtenir de sa libre volonté apparente, le retrait pur et simple de son livre. C'était d'abord une contrariété vive à la nouvelle qu'on poursuivait le volume, une soudaine inquiétude qu'on ne jeta l'auteur exalté dans quelque révolte fâcheuse. Et c'était aussitôt le plan arrêté. Les renseignements pris sur ce jeune prêtre capable de schisme, son voyage provoqué à Rome, l'invitation qu'on lui avait faite de descendre dans un antique palais dont les murs eux-mêmes allaient le glacer et l'instruire. Puis, c'était dès lors les obstacles sans cesse renaissant, la façon de prolonger son séjour en l'empêchant de voir le pape, en lui promettant de lui obtenir l'audience tant désirée lorsque l'heure serait venue, après l'avoir promené partout, l'avoir heurté contre tout, de Monsignor e Fornaro au père d'Angelis, du cardinal Sarno au cardinal Sanguinetti. C'était, enfin, ébranlé par les choses et par les hommes, lassé, écœuré, rendu à son doute, l'audience à laquelle on le préparait depuis 3 mois. Cette visite au pape qui devait achever de tuer en lui son rêve. Maintenant, il revoyait Nanni, avec son fin sourire, ses yeux clairs de savant politique qui s'amusait à une expérience. Il l'entendait lui répéter de sa voix légèrement railleuse que c'était une véritable grâce de la Providence si ses retards lui permettaient de visiter Rome, de réfléchir, de comprendre. Toute une instruction, toute une éducation qui lui éviterait bien des fautes. Et lui, qui était arrivé avec son enthousiasme d'apôtre, brûlant de se battre, jurant que jamais il ne retirerait son livre. N'était-ce pas la plus délicate des diplomaties et la plus profonde que d'avoir ainsi brisé son sentiment contre sa raison, en faisant appel à son intelligence pour qu'elle supprimât, sans lutte scandaleuse, l'œuvre inutile et fausse, sortie d'elle-même, dès qu'elle se serait rendue compte, devant la Rome réelle, du ridicule énorme qu'il y avait à rêver une Rome nouvelle. À ce moment, Pierre aperçut Monsignore Nanni qui venait de la salle du trône, et il n'éprouva pas le sentiment d'irritation et de rancune auquel il s'attendait. Au contraire, il fut heureux lorsque le prélat, l'ayant vu à son tour, s'approcha et lui tendit la main. Mais celui-ci ne souriait pas comme à son habitude. Il avait l'air très grave, douloureusement frappé.